Salut, c'est Éric Lafontaine et Maxime Paiement du Dernier des podcasts, le John McClane de la balado-diffusion au Québec. Et vous écoutez les accros des jeux avec Big Ben, Antithèse, Retro Gamer PQ et Marie-Lune. Les accros des jeux, le top 1 podcast avec un squelette pis une manette de NES dans le logo. Cinq secondes. Salut les accros, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. C'est Marie-Lune. Testeur Alpha. Et c'est... Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 3 juin 2013. Salut tout le monde, comment ça va? Numéro 1. Ça va bien? Ça va super bien. Comme tous les lundis, le soir, quand tu avais des podcasts. Et mais voilà. Moi, je t'avoue, depuis que je fais les podcasts le lundi soir, ça me donne le goût d'y être. Ça me dit que je vais passer une belle soirée. Ben oui, ça, c'est le fun. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est positif? Il faut être positif dans la vie. Tout à fait. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites de bon ces derniers temps? J'ai renoué l'amour avec... Mon cœur bat encore pour sa beauté macabre et ses yeux verts menaçants. Je quand tu sors avec une gothique, toi? Je parle depuis bien quand sûr, tu Alice. Parles de Voldemort, toi? Je recommence. Je parle bien sûr de Alice. De Alice au Pays des Merveilles. Ah! Madness donc, Return. Oui, j'ai fait un trip de Madness Return. Puis comme moi, j'ai acheté, dans le fond, le second shipment de Alice Return, j'ai également le droit à Alice, American McGee's Alice l'original, qui était sorti au PC il y a à peu près 11 ans. Non, je l'ai et au PC bon. Et au PlayStation 3. C'est très très bon comme jeu, sérieusement, si vous avez la chance. Sincèrement, en quelques mots, Madness Return m'impressionne. Je pense que j'ai passé un bon 4 petites heures pour faire le premier niveau parce que j'espérais beaucoup. Puis bon, c'est un style platforming, fait que moi, tomber dans l'intro, c'est vraiment pour ça. Testeur, de ton côté, qu'est-ce qui se passe de bon? Ah, pas mal d'affaires. À soir, j'ai la grande primeur de vous annoncer que le site internet www.testeuralpha.com va être en ligne. Donc, on est en train de finaliser les petits détails, puis on va lancer ça à soir. Cool, alors! Bravo, bravo! Yay! Je lève ma boréale à ton site internet. Yay! Moi, je lève ma limonade. Ouh! Moi, je lève mon crayon. Moi, de mon birdo. Wow! Wow. Non, moi, de mon pixel art de Yoshimov. Yoshimov! Vraiment cute, le petit Yoshimov, sérieusement. Ben, ouais. C'est de ton côté, qu'est-ce qui se passe de bon? Ben, c'est assez tranquille, je dois l'avouer, encore une fois. Seul jeu que j'ai commencé, PlayStation All-Star Battle Royale, c'est le seul. Pas mal. Je l'ai pas payé cher, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est le fun, vraiment. Très, très divertissant. Et oui, j'ai lu dans les commentaires, Birdo, c'est un mâle. Mm-hmm. Oui, c'est un mâle. Marie-Lune, de ton côté? Ça se résume pas mal à deux mots. Pixel art? Ouais, pixel art. Parce que on s'est tapé un party pixel art hier. En compagnie de notre cher testeur Alpha. Et Tanuka. Et de Tanuka aussi, qui était présente. Notre nouvelle comment on dit ça? Éditorialiste? Oui, c'est vraiment une éditorialiste. J'ai vraiment de la misère à le dire, je sais pas pourquoi. C'est quand même plusieurs syllabes et plusieurs voyelles dans le mot, parce que c'est un peu poqué à un moment donné. Mais bon, grâce à elle, on a à écrit des articles. Et oui, on a eu un petit party de pixel art hier et on en a fait un peu avec Marie. Pas mal même. Marie, je vais te laisser l'honneur de les présenter les nouveaux produits qu'on propose à la boutique des accros. Et en même temps, on va discuter un petit peu. Il y a quelques-uns, parce qu'il y en a un en particulier. On a eu une commande qui est énorme. Là. Tester Alpha peut le confirmer. Ça prend 4 plaques de pixel art pour le faire. Oh my god, 4 plaques. C'est browser, mais browser. Bowser vraiment gros. Bowser. Là. Bowser, ok, c'est bon. Ouais. Browser Internet Explorer. En tout cas. Je pense que tu veux un pixel art de du logo de Internet Explorer. Franchement, on va voir que tu le payes pour qu'il paye. D'autres choses, Marie? Oui, ben, on a quelques-uns qui ont été faites par Tester Alpha lui-même, si vous voulez voir. On a Monsieur Mario ici présent. Qui est présent. Modèle de Mario Bros 3. Oui, attends, j'essaie de trouver les nouveaux. Ah oui, on a des sous-verts maintenant. Et oui, on a des sous-verts. Entre autres, celui-là ici. On va le checker. Qui est la plume. Il est assez épais. Il est à peu près 1 cm d'épaisseur là, en tout. Là. T'as même le petit fond pour, en arrière pour pas maganer vos tables. Puis on a le kit au complet. Fait que dans ce kit-là, t'as la petite fleur-fleur. Le Mario. T'as le champignon rouge. Puis t'as la boîte. La boîte d'interrogation. Toute faite par Monsieur Tester Alpha avec sa patience légendaire. Eh oui, c'est le fun. Eh oui. Et sinon, j'ai Tanuka qui en a fait au moins 2, je trouve pas. Ah non, elle en a fait 3, mais il y en a un qui est maintenant dans la demeure de Tanuka. Donc c'est pour ça que je le trouve pas. D'accord. On a Monsieur. Goomba. Lui. Ouais, en effet. Goomba. J'ai envie ta collection de toutous de toutou geek. J'en ai pas tant que ça. On a la petite. Cherche son nom. Chum. Il a vraiment été quelque chose à faire, Chum. En tout cas. Il est vraiment cool. sinon, à part de ça, ben. Big Ben, t'en avais-tu fait, toi, hier? Je m'en rappelle pas. J'en ai fait quelques-uns, mais c'était surtout des choses qu'on avait déjà à faire. Donc, des champignons, des choses faciles, mais que ça se vend pareil. Fait que... Trois autres modèles qu'on a faites. Bon, ok, je salue Giz, parce que oui, Giz, t'en as fait un plus gros que moi. Bon, nanana. Un petit poisson de Mario, comme ça. Mario 3. Il y a un nom à lui, on se rappelle pas c'est quoi. Non, je sais pas c'est quoi le nom du poisson. Le bloop. Peut-être. Ou Chip Chip. Peut-être, ouais. Ouais, c'est Chip Chip. Ensuite, oui, peut-être. Ensuite, on a Link ici, qui tire de l'épée et qui... envie de t'attaquer CE de ce que manière que je le vois. Non, moi c'est attaque PL. M'attaque moi. Ah, ok. Link m'attaque moi. T'as la part. Là c'est voilà. Moi. c'est ça. Après ça, CE, ben tu vas être heureux. Ouais. Le Birdo, grandeur Birdo. La grandeur, regarde, ma main est là. Puis il dépasse ma main de bon 3-4 cm. Fait qu'il est gros là. Il est énorme avec un T. C'est énorme. Oui, il est énorme. Tout à fait. Puis c'est pas mal ça jusqu'à maintenant dans les nouveautés. Il n'y a pas grand nouveauté. Ben, il y en a un, mais il est à la maison de Tester Alpha. Fait, je ne vais pas vous le montrer. C'est Megaman en action. Ouais, mais il est à la maison. On n'a plus de caméra. Désolé. Mais on a des nouveaux modèles pour prochainement. Ouais. Allez voir bientôt, on va poster des photos sur le site des Accros. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un message privé soit à moi ou à Marie-Lune. Sur ma page Facebook aussi, ça marche. Vous pouvez m'envoyer ça là-bas, puis je prends les commandes directement là-bas aussi, si ça vous tente. Et tout l'argent qui est fait avec les pixel art, on l'investit dans des soit dans une table pour le Comic-Con ou ça va être dans des produits dérivés qu'on va probablement vous faire vendre prochainement. Parce que faut avoir un petit peu de montant d'argent pour investir dans ces activités-là. Pour ça, on vend ces pixel art-là et on garde tout ça pour finalement avoir la chance d'avoir le stock qu'on veut vous donner. Et le fait qu'on veut donner. Parce que c'est vrai, faut pas parler de fait qu'on veut donner. Écoutez, quand on arrive à 250 likes, il va y avoir, si j'ai bien compris, oui. Alan Wake sur PC, sur Steam. Quand oui. Les accros vont donner. Je vous donne, les accros vous donnent à 250 likes sur Facebook. Je fais tirer une copie du jeu Alan Wake avec American Horror ensemble. C'est on vous donne à 250 likes. Donc, je vais le donner à quelqu'un au hasard. Donc, on est à 239 en ce moment. Il manque 11 personnes, 11 j'aime. Et je fais tirer ça à un des accros dans le Facebook des accros. Hey, parlez-en à tout le monde, là. 11 personnes, c'est pas gros au nombre d'abonnés qu'on a ici, le go. Puis Alan Wake, c'est awesome. C'est un excellent jeu. J'ai une copie, j'ai deux fois le jeu. Je l'ai une fois sur le PC et je l'ai une fois en Xbox. Et il n'est même pas déballé encore. Tu n'as pas déballé, cela dit. Hein? Pardon, j'ai dit que tu n'as pas déballé, mais je pense que t'as, dans le fond, on a parlé de... Non, c'est ça, je l'ai pas déballé, puis je pense que je vais l'essayer une fois. Je la déballerai pas, cette cassette-là. Je veux voir dans 5 ans, 6 ans, combien ça veut vous vendre. C'est ça, je me dis, hein. Je suis sûr que tu vas te mettre, je te charger peut-être 100, 200 sur eBay, parce qu'il est dans son field. Tout à fait. Écoute, peut-être. C'est fou, tu regardes certains jeux qui sont pas ouvert, là, ça monte à des prix de malade, là. Je checkais tantôt sur eBay pour une copie de Pokémon jaune. J'ai ça chez nous, malheureusement. Ben, pas déballé quoi que ce soit, c'est vraiment génial. Factory sealed, là? Factory sealed, je pense que ça monte dans les 300-400$. Wow. C'est énorme! Les sérieusement. Les jeux aussi, là, ça, c'est... ça... Un jeu de NES qui est sealed, ça vaut extrêmement cher, peu importe le titre quasiment. J'ai vu tantôt une copie de Earthbound Factory Sealed VGA, elle était à 4000$. Tabarnouche! Oh oui. Wow! En même temps, faut que tu te demandes, je me dis d'être en de party pour 30 secondes, mais qui c'est qui va payer? Qui honnêtement... va payer 4000$ pour un Earthbound de Sealed, à part justement un méga collectionneur malade de la mort. Il va-tu essayer de l'ouvrir? Ben non, il n'y a pas personne d'autre. Il va-tu oser? Il n'y a pas personne d'autre autre qu'un collectionneur fini là, qui va acheter ça, on s'entend. Mais c'est comme, je te jasais, Tester, hier, les canettes de Coke, il y a 10-15 ans, que tu peux racheter comme à 100$. Je pense à la canette de Coke, pas Coke, Pepsi Light, Pepsi Clair. Ça se vend à des prix de fou sur eBay pour une canette de Pepsi transparent. Faut le faire. J'imagine son ami qui vient pogner la canette puis il boit devant lui. Hey, non! Tu l'as pas épiché! Quoi? C'est juste de la liqueur? Elle est pas mal flat, je trouve. Ah, écoute, après une couple d'années, je comprends. Elle goûte bizarre. Oh, écoute, c'est vraiment quelque chose. Oh, je veux pas essayer. Coucou, Retro monsieur. Retro is in the house. Hey, hey. Hello. RPQ. À nouveau. Est-ce que tu nous entends? Moi, ouais, je pense que c'est ça. Il y a un pseudo... problème de son. Non, c'est parce que Google s'amuse quand t'arrives sur le chat. Parce que t'es trop sur le chat, il va te muter. Fait qu'il faut que tu démutes ta fenêtre avant de pouvoir parler. OK. En ce moment, je suis allé voir sur eBay pour les canettes de... OK, des canettes, je pense, sont vides. De Pepsi Clair. C'est pour 3 canettes, 75$. Pis ils sont vides, là. Ok, c'est du métal. Ils sont cabossés, là. Je vous le jure. Vous voyez ça sur eBay. Ah non, sont pas ouvertes. Excusez-moi, je me suis trompé. Ils sont pas ouvertes. Mais 75$ pour 3 canettes. Et c'est un Vietnam. Je ne voulais pas que tu boives de toute façon, là, rendu là. Ah, coûte cher ta liqueur à 75$ la canette. Il est en tabarnouche après. Tout à fait. Mais tu vois, ça, ironiquement, je peux le voir plus qu'un collectionneur fou, pas fou, mais fini, comme dirait le testeur, de trucs symboliques de Coca-Cola voudrait avoir ça. C'est ça. J'ai le modèle de 75, j'ai le modèle de 60, je suis hot! C'est que seulement, c'est un peu plus respectable, c'est des collectionneurs, puis on est des collectionneurs, hein? Et... Tout à fait. Sylvain, tu nous entends? Est-ce que tu es capable de nous jaser? Je suis concentré. Alors, petit problème technique. Dimension... Allô, Rétro? Ah, il a été connecté, il va revenir. Ben, moi, de mon côté, qu'est-ce qui se passe de bon? J'étais en train de jouer à... En ce moment, il y a un méchant deal sur le Humble Bundle qui est cette semaine seulement, je pense que ça finit mercredi ou jeudi. Vous pouvez avoir des jeux de Telltale Games au prix que vous voulez. Et ça inclut Walking Dead. Qui était excellent. Excellent. Pour 5$. Moi, j'ai mis 5$ parce qu'il faut que tu mettes l'average. Là. J'ai eu Walking Dead, Sam & Max, j'ai eu Poker Night at the Inventory, j'ai eu Back to the Future, puis deux autres jeux. 5$, c'est ridicule. C'est des peanuts. Je pense que je vais aller pogner ça tout de suite après le podcast. Allez-y, ça vaut la peine. C'est véritablement un aubaine. Sylvain, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Tantôt, je vous entendais pas peur à tout. C'est ça qu'on se demandait. On s'est dit, voyons, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de t'entendre? On est content, là. En passant, je t'envoie le lien pour le Humble Bundle si jamais ça vous intéresse. Et je vais aller l'inscrire également. Je vais demander à la gang d'aller le copier sur le chat de YouTube pour ceux qui nous suivent présentement live. On va cliquer ça après. Vaut la peine. Moi de même. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe de bon de ton côté, Sylvain? Je viens d'avoir mon Mega Man X pour SNES. Wouhou! Je viens de l'avoir par la fois, je suis tellement content. Ça, tu l'avais acheté live en plus, je pense, la semaine passée. C'est peux-tu? Ça, tu l'avais acheté en même temps qu'on était en train de. C'est Rockman X3 que j'ai acheté live. Ah, ok. Mais quand même. Quand même. Mm-hmm. Vraiment cool. Et à quoi tu joues bon cette enceinte? StarCraft 64. J'ai commencé Last Story aussi. Ah, ça, j'avais envie de l'essayer. Comment tu le trouves en ce moment, le jeu-là? Linéaire. Ah ouais? Ouais. Okay. C'est peut-être moi qui est habitué au RPG où il faut grinder et qu'on peut se promener partout. Je sais pas. Je trouve que ça fait un petit peu trop linéaire, mais c'est quand même meilleur que Final Fantasy XIII. Ouais. Mettons que tout est meilleur que Final Fantasy XIII, à mon avis. Là. Mais quoi que le. C'est un peu trop linéaire, à mon goût. Final Fantasy XIII, est-ce que vous savez que Square a officiellement annoncé qu'il changerait son Final Fantasy, je ne sais plus trop lequel, pour Final Fantasy XV? J'ai pas bien compris. Moi non plus. J'ai pas compris non plus. Donc, Square Enix a décidé de changer un de ses titres de Final Fantasy. Je pense que c'était quelque chose comme 13-2 ou 13 versus, je m'en rappelle plus. Puis bref, ils ont dit non, on va l'appeler Final Fantasy XV. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle. Non, j'ai pas vu, mais écoute, moi, depuis que Sakaguchi, l'ancien créateur des Final Fantasy, est plus dans le bateau de Square Enix, c'est plus les mêmes Final Fantasy, je trouve ça plate. Faudrait véritablement qu'il revienne. Qui trouve un créateur qui s'approche de Sakaguchi, qui est le réalisateur de la série Final Fantasy des premiers, là, pour qu'il reprenne la relève. Parce que sérieusement, là, écoute, là. Bonne chance. Mais je trouve que c'est faisable pareil. Puis qu'il revienne, qu'il arrête d'être dans le futur. Je veux revenir dans le style médiéval. Je veux un Black Mage, fuck. Black Mage qui fait Hadouken. Qui fait Hadouken, puis qui est poignard dans le dos de tout le monde. Ouais, qui enlève les personnages IMO, là, comme le, comment il s'appelait le petit gars dans Final Fantasy XIII? Comment il s'appelle? Destiny Hope. C'est ça, il s'appelle Hope en plus, c'est le gars le plus IMO qui veut se coter les veines, puis il s'appelle Hope. Come on. Je vais tuer tel gars, parce que telle raison. C'est tout le long, là, pendant quasiment la moitié du jeu, là, c'est comme... Je vais tuer tel gars. T'es en train de dire que Final Fantasy XIII, c'est un jeu? Je t'aurais dit que c'était un film mauditement en place. Slash film. Un film emo. Avec le emo dedans. Tout à fait. Sinon, par ça, qu'est-ce que vous jouez cet ancien? Non, Marie. Non, toi, t'as pas joué à grand-chose. C'est vrai, excuse. Je te l'ai demandé. C'est toi, tu jouais à Battle Royale. Sylvain, tu jouais, toi, à Megaman. Et à La Story, excuse, La Story. J'ai pas joué à Megaman. Tantôt, Megaman. Tantôt. Ouais. PL, de ton côté, t'as-tu joué à quelque chose? C'est ça que j'ai dit tantôt. J'ai renoué d'amour avec, avec la série Alice. Ah oui, ça, c'est vrai. Mon erreur. Comme je dis, j'ai passé beaucoup de temps samedi à... Voyons, à Madness Return. Je suis quand même épaté. Mm-hmm. C'est comme jeu, en passant, mais je suis épaté. Puis c'est dans cette version-là, je le répète, c'est j'ai réussi à me procurer gratuitement l'original pour PS3. Oui, j'ai vu Retro, c'est beau. You can die happy now. Qu'est-ce qu'il t'a présenté? Il m'a présenté Final Frame 4. Ah, pauvre de toi. Oui. Là, juste pour me faire foutre encore plus Retro, as-tu le... As-tu le CD Loader? Non, j'ai le. C'est parce que ma Wii est hackée. Pour le Humbo, parce que je joue au jeu japonais. Ah! Puis, ah. Comme il y a une patch traduite qui existe, ben, je peux l'utiliser avec une clé USB. Ben, ça, je le savais, mais tu as la patch. Oui, j'ai la patch, ouais. J'ai le jeu original. Fait que, pas de... pour ça, juste pour que je me frustre. C'est sûr que tu allais dire quelque chose que je vais te présenter ça. Avant d'aller sur le chat sur YouTube, on a une question sur Facebook de la part d'un de nos membres du forum. C'est Jop. Jop nous demande que pensent les accros sur le fait que Sony veut faire pareil que Nintendo Wii U avec la compatibilité obligatoire de jeux PS4 avec la PS Vita. Hein? Selon moi, compris. Selon moi, ça va être optionnel au final. Un petit peu comme Monster Hunter 3 sur Wii U et sur 3DS, qui est le même jeu. Tu peux répéter la question? Ouais, j'ai mal compris. Ouais, est-ce qu'on peut aussi résumer la situation? Parce que moi, je suis un noob là-dedans, là, je comprends pas trop l'histoire. Que pensent les accros sur le fait que Sony veut faire pareil que Nintendo Wii U avec la compatibilité obligatoire des jeux de PlayStation 4 avec la PS Vita? En fait, c'est que tu puisses. Ils sortent deux versions du jeu. Tu as la version qui est sur. C'est le même jeu, mais il sort sur Wii U et 3DS. Et tu peux comme interjouer entre la version tu Wii U. Tu peux interjouer et 3DS. Ta game elle poursuit, même si tu joues sur Vita, puis là tu rejoues sur PS4, ta game est rendue à telle place. Okay. Ah. Et c'est quoi le problème? Ah ben, il oui, n'y a pas de problème avec ça. Je vois pas le. Non, en fait. Ben, c'est plus forcer l'éditeur à devoir créer une copie supplémentaire du jeu. Ben, comment forcer? Tu ne forces pas les gens, tu leur donnes une possibilité de faire quelque chose. Ouais. C'est... Ouais, mais je pense que c'est pas Capcom qui a fait ça, c'est pas Nintendo qui les a forcés. Je sais pas, je t'avoue. Je suis pas au courant. Si jamais tu nous écoutes live, Job, tu peux-tu nous écrire pour qu'on... et juste expliquer, parce que je t'avoue, même moi, j'ai fait les nouvelles, puis j'ai pas vu cette nouvelle-là. Fait que, de toute façon, on va probablement plus en parler lorsque le 3 va arriver. La semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va en jaser, puis on va pouvoir vous jaser plus de ça, parce qu'on va avoir plus de nouvelles, plus de détails, finalement. On part avec les nouvelles? Ben oui. Ouais! Nice. Tout d'abord, on va commencer avec une bonne annonce que moi et Mary, on écoutait tantôt. Oui! On a eu des nouvelles sur Plants vs. Zombies 2, ce qui sort le 18 juillet, qui va être sur les plateformes iOS Android. L'idée est géniale, sérieusement. C'est vraiment drôle. Finalement, on va se promener dans le temps, puis les cartes vont être différentes. Comme par exemple, à un moment donné, tu vas te ramasser dans un temps pirate, ben ton bateau va se faire attaquer par des zombies, puis tu vas utiliser des plantes pareilles, des plantes pour les bloquer. Puis ils ont sorti des nouvelles idées de plantes également qu'on a vu dans la bande-annonce, qui est vraiment drôle. Je pense par exemple à un tire-poids qui tire comme qui s'ouvre, qui tire comme 4 autres poids supplémentaires. Qu'est-ce qu'il y avait? Le petit plante boxeuse. C'était vraiment... Ouais, c'était drôle. J'ai vraiment hâte de voir Plants vs. Zombies 2. Je me suis vraiment fait du fun avec le premier. Et j'ai hâte de trop jouer. J'ai trop hâte de jouer aux deux. Fait que. Prochainement. Dans juillet, t'as dit qu'il était pas sorti? 18 juillet. July 18. Intéressant. Sur le même sujet, c'est une je peux faire un retour pour un truc de la semaine passée. Oui, puis après ça, avant, je vais demander à Marie d'aller voir sur le chat parce que j'ai oublié de passer par là. D'accord. Vas-y. Écoute, tu avais raison à propos de la semaine passée, à propos de Phoenix Wright Ace Attorney. Présentement, il serait disponible sur iOS. Android, il serait encore prévu. Il peut encore sortir sur Android. Cependant, si pour sortir sur Android, ça serait justement après dans les mêmes temps que Plants vs. Zombies 2, ce qui veut dire au mois de juillet. Ça, c'est le premier Ace Attorney ou le nouveau qui annonce? Excuse-moi? C'est un patch chez les anciens. Les anciens Ace Attorney vont tous sortir sur iOS. Ok, c'est une bonne idée. En fait, c'est 1, 2 et 3. Il n'y aura pas 4 et 5. C'est ça. Mais probablement qu'ils vont sortir, mais plus tard. Il va-tu avoir Miles Edgeworth aussi ou c'est. Non, il n'y aura pas le Miles Edgeworth. C'est justement c'est Miles Edgeworth, okay. Dans le 4. Mais ceci dit, il va y avoir un nouveau Ace Attorney 6 qui va sortir vers les environs de la fin de l'année, justement, de cette année. Ça fait des fans de Phoenix Wright. Mary, de ton côté, qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur YouTube? Il y a beaucoup de choses. Je suis en train de faire le tour rapidement. J'essaie de spotter plus les questions en ce qui me concerne. Il y a Kevin TMNT. Je pense que ça déstabilisait bien du monde quand on a dit que Birdo c'était un mâle à la base. Il demande, est-ce que Birdo c'est le premier personnage travesti de l'histoire du jeu vidéo? Oui! Peut-être pas au Japon. Au Japon, c'est ça. Il y a plein de personnages fuckés, mais tu... Comme avec une histoire aussi intense que Birdo, je pense que c'est le premier. Ah, parce qu'il y a une histoire intense, Birdo. Ben... C'est intense pour CE. Moi, je trouve ça intense. Autre chose, Marie? Sinon. OK, il y a Serre qui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire quoi pour le concours que tu as parlé, Big Ben? Ben, tout simplement, allez liker la page Facebook des accros. facebook.com/accrodesjeux. À 250 j'aime, je fais tirer au hasard dans les 250 personnes une copie du jeu de Alan Wake et l'extension qui vient avec. Très bon. Sinon, j'essaie de voir quelque chose. C'est en plus des... Ah oui, il y a Kara Geek Zone. Salut Kara. Qui dit qu'elle a gardé sa bouteille de brise vide avec Dark Mode dessus. Elle dit, on sait jamais, dans une coupe de neige, ça va peut-être valoir de quoi. Le pire, c'est que dans le temps du premier Star Wars, épisode 1, j'avais gardé toutes les canettes de Pepsi avec la petite description dessus. Je me suis dit, ah, ça va être ma collection. Finalement, après ça, j'ai fait, hey, il me manque 30 cents. On va aller les vendre. Ouais, j'étais fou de même. Ben, tu sais, souvent, ce qui arrivait, t'avais les mêmes dépanneurs, t'avais les mêmes. De toute façon, tout ce qui est épisode 1, ça se donne à rabais. M'emmener, je me rappelle, j'étais allé chez Dorama, puis j'ai vu des figurines empaquetées de Star Wars épisode 1 emballées. Ils y vendaient toutes une pièce. Ah! Pour dire à quel point Jar Jar Binks a scrappé le film. Big Ben, t'as une question pour toi de taille. As-tu eu le jeu Monkey Island, Big Ben? Non, je ne l'ai pas. Je t'avoue que je n'y ai pas joué encore. Et j'ai pas mal de jeux à jouer à cause du Humble Bundle. J'en ai comme 6. C'est dur de suivre, hein? Hein? C'est dur de suivre quand on prend les Humble Bundle parce qu'on achète tellement. My God, écoute, en 2 semaines, j'ai acheté comme 8 jeux là-dessus. Là. Je suis comme... Il y a moins un petit peu de chance, là. Ouais, mais avec le prix, le prix que tu peux investir, tabarouette. C'est ça, tu sais, j'ai comme payé 5. J'ai donné les minimums. J'ai donné 5$. Non, pas le minimum, j'ai donné la moyenne. Moi, je me dis. Une pièce, je me sens cheap d'acheter ça, une pièce. Ah, mais, c'est clair. Je donne toujours un petit peu plus haut que le average. Je me dis, mieux que rien, je donne pas une pièce, mais tu sais, je donne un petit peu plus. C'est pas une œuvre de charité en plus. Oui, puis il y a une partie qui va quand même à la compagnie. Puis tu peux. Ce qui est le fun avec l'Humble Bundle, c'est que tu peux dire, OK, toi, tu s'en vas à telle place ou t'en vas à telle place. Puis moi, je le laisse d'habitude. Je donne. Les organismes de charité, sérieusement, j'y crois pas. Parce que je suis peut-être méchant, mais. Non, c'est deux organismes. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont des fraudes, justement. Mais c'est ça, c'est deux organismes que je connais pas, qui font pas affaire au Québec. Fait que ceux-là, je suis un petit peu moins. Ça me touche moins, mais j'aime mieux le donner directement au producteur du jeu. Donc, j'en donne un petit peu plus au producteur du jeu, puis je donne un petit tip à Humble Bundle. Child's Play, c'est bien connu. C'est pas. Moi, je le connais pas. Non, moi, je le connais pas mal. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Il y a même Penny Arcade qui font le Child's Play. Ah, OK. Ouais, ben, je pense... Penny Arcade. Ils font comme pas. Je les vois pas au bébé au Québec, c'est pour ça. C'est eux autres qui donnent des consoles aux enfants qui en ont pas ou un truc comme ça. Je sais pas exactement ce qu'ils font, mais ils ont une bonne réputation. Oui, Marie, vas-y, tu as d'autres questions, je crois. Oui, j'en ai. J'ai quelqu'un qui est très insistant avec sa question, tellement c'est devenu du spam sur le sur les commentaires. Fais attention, pas passer tout le temps la même chose. Il y a Serre 2011 ici qui demande, j'ai une question pour vous autres. Quelle est la première console au monde, pas le premier jeu au monde, la première console de jeux vidéo au monde pour vous autres? Qui pour compte nous? Le plus? Ouais. Qui compte le plus? Qui compte préférée. Le plus? Qui compte le plus, moi j'irais avec la Nintendo. Là. J'ai moi, grandi j'ai... avec ça. Là. Je suis d'accord avec Castor. Moi, c'est pas mal, c'est bon, moi aussi. Ah oui, man. Ah, j'ai hâte de voir la vidéo Retro Gamer PQ puis Tester Alpha un jour. Mais attends-moi, Retro, j'arrive, je couche chez vous à soir. Laurent direct du Nord et du Centre. Et du centre. Ben, c'est vraiment la Nintendo pour moi qui est la console que je pense si j'aurais juste à une console à jouer, ça serait celle-là parce que c'est tous des jeux qui sont restés dans les annales, pareil, là, tu sais, je veux dire, les jeux plateforme autant que les jeux de stratégie, les même Final Fantasy, c'est malade jouer à ça, là. Dragon Quest. Hey, j'ai jamais fini Dragon Quest 1. Faudrait que je m'y mette. Il est pas long, hein? Non, mais ça de la canon. Mais je m'arrange toujours pour que ça soit plus long. Moi. Moi, je vais répondre aussi. Moi, je suis différente de tout le monde parce que moi, j'ai pas joué à la NES en premier, mais à la Super NES en premier. Donc, moi, je dis que celle qui va compter le plus pour moi parce qu'il y a beaucoup plus de nostalgie dessus, c'est la Super Nintendo. Mais c'est quand même la plupart des mêmes jeux que sur la NES, donc c'est pas mal les deux pareils. Mais bon, c'est ça. Mais c'était sa coche un petit peu plus haut, tu sais, je veux dire, bon, t'as un petit peu plus de graphique, les histoires t'es un petit peu plus poussées. Je suis d'accord. Puis t'as des jeux que, veux pas, c'est resté mémorial. Ouais. Le fameux band, Tester Alpha a un band, c'est tout ce que je peux dire. Et voilà. Oui. Moi, je dirais, je vais mettre un petit peu en orthodoxe, ben la gagne, moi je dirais la PlayStation, la première PlayStation. Ah oui? Honnêtement, c'est la c'est argument, c'est la PlayStation 1 qui m'a fait le plus tripper, même plus que la Nintendo. Ça se peut. C'est ton choix. y a-tu d'autres choses, Marie, avant qu'on commence les nouvelles? Il en reste deux. Il y en a un que je vais répondre tout de suite parce que ça me concerne beaucoup, puis c'est à rapport à ma collection. Il y a Kevin Doré Poudrier qui dit « Hey, j'ai mis la main sur Super Princess Peach DS! » Moi, c'est gelé. J'ai eu avant toi. Il est rendu rare, pas mal, hein? Ouais. Puis sinon, il y a une question pour vous autres, peut-être pas pour moi, parce que ça me dit absolument rien. C'est de Polarize 8 qui dit « Avez-vous connaissance du jeu State of Decay? » Légèrement, mais je suis pas assez pour pouvoir le décrire, malheureusement. Faut dire que... Nope. À les recherches. Mais non, je vois moi non plus. Même moi, je le connais pas partout, je t'avoue. Désolé. Et voilà, c'est tout pour YouTube pour le moment. Alors, on va partir des nouvelles. Oubliez pas de laisser vos commentaires là-dessus. Ça va être cool de pouvoir vous lire tantôt. Mm-hmm. Avez-vous vu le mécontentement avec la Ouya? Sérieusement? La quoi? La Ouya. Oui, c'est un site. Ça chiale pas mal, surtout sur leur campagne Kickstarter. Excusez. Non, pas du tout. J'aime pas interrompre, mais c'est quoi, de quoi on parle, là, la Ouya, là? OK. La Ouya. Je vais laisser PL. Tu peux-tu lui expliquer? Pour la Ouya? Pas la Ouya, c'est la Ouya. La Ouya. À une condition, c'est que tu me corriges au fur et à mesure que j'explique. C'est une nouvelle console qui a été faite, je pense, en Amérique du Sud. C'est dans les entours du Brésil. Faux. Et... Non. Alors. Vas-y, Ben, raconte. C'est t'es une console à savoir ce que c'est. Il n'y a personne ici qui dit. Okay. On va l'expliquer. Non, moi, je le sais. La Ouya est une console qui a été financée via le site Kickstarter, qui a ramassé quasiment 1,6 million de dollars en Kickstarter. Oh, bordel. Et la Ouya, ce qui est spécial, c'est que ça roule sur Android et tous les jeux sont gratuits à l'essayer. Et après ça. en finissant de jouer, là, tu peux l'acheter pour un montant ridicule. Là. Ça peut aller à 1 piastre jusqu'à 5 piastres, 10 piastres, 15 piastres. Et c'est fait, c'est vraiment bâti pour des jeux que tu pourras avoir sur un téléphone ou sur une application, à une tablette, parce que tu as un petit touchpad sur ton écran également, sur ta manette. Okay. Et bon, écoute, ça a été un franc succès sur Kickstarter, mais ils déçoivent énormément ces temps-ci avec une exclusivité. Ils étaient censés donner en exclusivité les consoles à tous ceux qui ont contribué au financement. Ils n'ont pas eu assez, non, c'est qu'ils là, ils prennent trop de temps avec la livraison ces temps-ci. Normalement, les gens devaient recevoir leur console d'ici le mois de mars. Et normalement, la console est censée sortir en magasin dans les entours du 25 juin. Et il y a encore du monde qui n'a pas reçu leur console. Ils ont payé pour l'avoir avant. Et oui, ils l'ont payé pour l'avoir avant. Donc, c'est décevant. Et en plus, la compagnie Ouya demande des frais supplémentaires de transport qui n'étaient pas inclus dans le montant qu'ils avaient mis en ce moment. Ils leur demandent soit entre 20 $ et 160 $ pour le pays. Mmh. C'est cher. C'est plus cher que cher. Sol. Il y a des frais de douane là-dedans, en plus. Oui. Que ça peut monter. C'est très, très décevant. Et de la manière que les premières critiques que je vois sur Internet, les gens sont vraiment déçus. Parce que les commentaires qu'ils ont, c'est que j'aurais pu acheter une manette pour ma tablette, puis j'aurais pu brancher sur ma tablette, puis j'aurais pu jouer. Comme je fais moi, là. Comme tu fais toi, ouais. Mm-hmm. Tu n'as pas lié la game click, dans le fond. C'est ce qui est vraiment dommage. Puis surtout, si tu veux, tu peux jouer à des jeux en coop à plusieurs, mais la deuxième manette, elle coûte 50$ et ta console coûte 100$. Big deal. C'est surtout dommage pour tous ceux qui ont investi puis qui ont permis au projet d'arriver, puis là, ils se font comme backstabber. C'est pas... C'est vraiment poche pour eux autres. Là. Monde c'est croit au projet, puis... C'est ça. C'est sûr que c'est une compagnie qui est nouvelle. On peut comprendre qu'il peut avoir certains problèmes. Mais je pense que lorsqu'on est dans le monde du jeu vidéo, il faut faire attention à ce qu'on fait. Absolument, mais pas le monde du jeu vidéo. Mais dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il faut aussi mentionner que la communauté des jeux vidéo, les membres de la communauté, c'est une communauté très passionnée. Fait que tu n'as pas vraiment droit à l'erreur pour soutenir ce que Big Ben dit. Tout à fait. Prochaine nouvelle, il y a une quête de Final Fantasy IX qui a été découverte 13 ans après la sortie du jeu. Voyons donc. Ah, ouais. Qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est à la fin, je vais vous l'expliquer rapidement, qu'est-ce que vous devez faire. C'est au disque 4 de Final Fantasy IX, juste après être entré dans Memoria, vous devez revenir à la ville de Limblum pour avoir une scène entre Zenero et Benero qui cherchent Marcus et Sina. Okay, j'essaie de vous l'expliquer pour ceux qui ont envie de le faire. Ça peut arriver. Et alors que certains d'entre vous ont pensé que cette scène était vraiment anecdote, donc vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, il y a quelque chose que vous devez faire, c'est que vous devez revenir au même endroit à plusieurs reprises après avoir vu certaines scènes dans Memoria. Ce qui veut dire que vous allez repartir dans le dernier donjon du jeu, vous allez avancer jusqu'à la prochaine scène, ressortir sans aller plus loin et retourner à Limblum pour voir une autre étape en 9 fois. Et ça va vous sortir une nouvelle quête dans le jeu. Ça va vous donner un coffre qui contient un anneau de protection. Ça a l'air qu'il n'y a pas... Si le monde l'ont découverte, là, c'est récemment, puis il n'y a pas personne qui l'a annoncé sur le net. Mais 13 ans pour découvrir, c'est quelque chose. Imagine la personne qui a joué autant de temps pour découvrir cette quête-là. Il n'y avait pas un strategy guide qui expliquait cette affaire-là. Ça veut pas forcément dire qu'il justement l'explique. Oui, tu as un guide pour Final Fantasy XIX, mais t'avais pas forcément cette information-là qui était dans le guide. Mm. Faut pas que tu oublies que c'est un parti tiers qui produit le guide. Non, c'est comme une compagnie comme Brady Games ou quelque chose de même qui fait des strategy guides. Là. Prochaine nouvelle. Blizzard qui relance le projet Titan. Est-ce que tu peux m'expliquer, Sylvain, c'est quoi le projet Titan? Un MMORPG que Blizzard a planifié il y a quelques années, et comme tous les jeux de Blizzard, ben il sera prêt quand il sera prêt. Et bon, ils ont finalement réaffecté certaines personnes dans l'équipe de Blizzard pour travailler dans le jeu. Mais ils disent que le titre ne verra pas le jour avant 2016. C'est très plausible dans le cas de Blizzard. Ok, oui. Blizzard. Et même plus tard, je pense, dans le cas de Blizzard. Oui, possiblement. Sûrement. Mais au moins, on peut... surpris de ça. Je sais pas s'ils ont eu leur leçon avec Diablo 3, mais en tout cas... 2020. Tout à fait. Le jeu va sortir en 2020. 2032, je pense. Est-ce qu'ils ont décidé de tout recommencer ou est-ce qu'ils gardent une base puis ils repartent ou ben si vraiment là c'est. C'est pas qu'ils ont juste changé le staff qui travaillait dessus. C'est pas précisé qu'est-ce qui se passe en ce moment, je te dirais dans l'article, mais de la manière que c'est parlé, c'est comme si elle allait repartir à zéro. C'est un petit peu comme le projet, comment il s'appelle, l'autre MMO qui est en train de travailler là-dessus là. C'est ça, c'est Titan. Titan, ça a été. Je sais qu'il va être retardé pour bien longtemps, là. Parce que. C'est notre MMO. C'est ça. Prochaine nouvelle. Level 5 pour notre cher PL sont en train de travailler sur un nouveau RPG qui devrait sortir sur iPhone et Android. Le jeu s'appelle Wonderflick. Wonderflick. Ça devient ça a l'air très obscur, mais on espère avoir des nouvelles pour le E3 de cette année. Mais c'est fun de savoir que Level 5 vont travailler sur quelque chose de nouveau. Oui, effectivement. Ça fait Level 5 qui est reconnu quand même pour une qualité de jeu de renommée, puis on parle pas juste des Layton. Fait que ça surveillé, ça serait surveillé. Avez-vous vu une nouvelle par rapport au jeu E.T.? J'en ai entendu légèrement parler. C'est quoi raconte? Dive qu'on est là. Il y a un documentaire qui est en train de préparation où il y a du monde qui vont aller dans le désert aller rechercher les cassettes de E.T. Qui sont enterrées. C'est là qu'on va voir si c'est un mythe ou si c'est vrai. Ben, ça fait un book qui travaille sur ça, ces documentaires-là? Ben c'est vraiment. Ça a été confirmé que le gars a eu une autorisation de la part de la ville de. Il y a une ville qui est au Nouveau-Mexique qui a enterré ces jeux-là. Puis, ils ont eu l'autorisation pour creuser pendant 30 jours. Fait que, 30 jours. Ouais, ils ont 30 jours pour trouver les cassettes de E.T. Ouais, top chrono. Et de Pac-Man. Je pense qu'ils avaient enterré en même temps les Pac-Man. Fait que, ça serait juste fun de voir ça. Là. C'est comme un feeling. De... Moi, je pense que c'est du mythique un peu, hein, tu sais. Ouais. Je pense que c'est même pas vrai ce soir-là. Ben, c'est pas mal annoncé partout, fait que... Non, on sait ouais, pas. Annoncé partout, ouais, mais ça veut pas dire que c'est vrai qu'on a des règles. C'est ça, l'affaire. Ça se peut. Ça se peut. Mais selon moi, ils vont trouver quelque chose. Ouais, ils vont trouver de la roche, puis des os, puis des créatures mortes. Toi, Rétro, tu penses que le mythe des E.T. caché dans le désert, c'est pour faire une pub, c'est pour faire une pub controversée pour promouvoir le jeu d'E.T.? Non, pas pour promouvoir le jeu d'E.T., juste pour s'excuser d'avoir fait E.T. Pour promouvoir ce jeu-là. Bon, juste pour rabaisser Atari d'avoir fait ça. Je pense que c'est un mythe, même le gars qui a produit le jeu, il dit que c'est un mythe. On devrait avoir des nouvelles prochainement, en tout cas, les accros. J'ai bien hâte de voir ça. Écoute, c'est comme les États-Unis, ça n'existe pas vraiment, c'est juste des films. Je confirme, j'y suis déjà allé, ça existe. Non, mais toi, t'existes pas, je t'ai jamais vu en personne, à part une fois. Une fois où j'allais. Sauf une fois où j'allais. Rétro. Non, regarde. J'avais dit qu'il est dans une zone dimensionnelle, Rétro. Tu sais que PL, en ce moment, il est en train de me montrer une cassette de E.T. puis que je suis comme en train de regarder CF faire comme... Lui aussi, là, pourquoi il ne monte pas, hein? Elle est cachée dans ma boîte là-bas, là. Bon. Next news. C'est ma dernière nouvelle. Par rapport à Michael Pachter, je sais pas si vous le connaissez. Le gars de Game Trader, c'est un analyste qui dit, analyste financier qui est spécialisé dans les jeux vidéo. Il dit n'importe quoi, puis j'aimerais ça qu'on en débatte. Qu'est-ce qui est sorti comme dernière nouvelle? C'est un analyste pour les pas pour nous, tu sais. Non, c'est, mais c'est pour l'investisseur, tu sais. C'est sûr qu'il fait juste dire son opinion, mais ça n'a aucune valeur. Je sais que ça n'a aucune valeur, mais je veux voir avec vous. Xbox One, 400$. PlayStation 4, 350$. Ouais, mais c'est quoi ça change? Selon vous, hein. C'est pas le problème. T'es-tu prêt à payer 400$ pour une Xbox One? Vraiment de la vie. Pas pour une Xbox One, là. Fuck off. Je suis même pas prêt à payer 2$ pour une Xbox One. Je suis même pas prêt à payer ça pour une PlayStation, là. Et PlayStation 4, 350$, tu paierais ça? Non plus. Là, tu parles, qu'est-ce que tu penses que ça va valoir, ou là, tu te parles qu'on est prêt? C'est ce que lui dit. C'est ce que Michael Pachter dit. Ben, ça a du sens sur le prix, mais je pense pas. Personnellement, je paierais pas aucun des deux prix pour ces consoles-là. Ouais. Surtout à la sortie, là. Non, je vais attendre bien du temps encore. Xbox One, moi, je prédis qu'il va être mis en prix plus cher que 400$. Oui. Moi, je prédis que la Xbox One va se faire enterrer à côté d'E.T. dans un désert. Un autre désert. Elle est bonne. Je... Au lieu que ce soit au Nouveau-Mexique, ça va être en Arizona. Ouais, ils voudront pas le coller à côté. Okay, faut se mettre ensemble, faut pas l'acheter, puis ils vont l'enterrer. C'est ça qu'on veut. Je serais pas prêt à payer 400$ pour une 360, une Xbox One, puis 350$ pour PlayStation 4. Je vais attendre encore qu'est-ce qu'ils veulent annoncer, là, mais. Ouais. Je vais attendre encore. Regardez pas plus que 300 pour une console, pas plus. 350 pour une PS4, ça non plus, j'ai bien d'aller croire. Je pense que ça va valoir dans les 450-500. Ouais, moi aussi, je pense que ça va être ça. Je suis pas mal à votre avis aussi, moi. Là-dessus, Marie, est-ce qu'il y a du monde qui nous jase en ce moment sur les YouTube? Oui, quand même. Attends, je vais vérifier ça comme faut. Ça sera pas long. Je me mets à jour dans mes messages. Ça sera pas bien long. Ah oui, il y a Karageek Zone qui nous dit Harmonix annonce un nouveau jeu demain. C'est pas une nouvelle suite de Dance Central ou Rock Band. Sachant qu'on a pas mal fait le tour des jeux impliquant de la musique, avez-vous une idée de ce que ça peut être? Amplitude 2. Est-ce que vous savez c'est quoi ce jeu-là? Nope. Une sorte de c'est un jeu PlayStation 2. Vous êtes une sorte de petit vaisseau qui doit suivre du rythme. C'est comme t'as trop beaucoup. Ah oui! C'est pas pire comme jeu, mais c'est pas le meilleur jeu de musique, là. Un nouveau jeu de musique. Je pense que t'aimerais ça, Big Ben, mais Spice Girls 2 qui va sortir au PlayStation, là. Prépares-tu pour le prochain échange de cadeaux, toi? Hey, j'ai pas de PlayStation, tu m'enverras pas ça. Couche-toi, hein! J'ai suivi l'enfer de l'année passée, je suis prêt à tout cette année, là. Hey, tu m'as donné une cochonnerie Ninja Bread qui est Anubis 2. Tu fais ta cochonnerie à tout le monde, toi! Pas toujours, ok. Pas toujours. T'as donné... À Marie, j'ai donné le Batman DVD. Batman... Ouais, la première année, j'avais un film de Batman des années 60. Ouais. Ouais, cette année, Marie, je pourrais t'envoyer la version parodie à porno. Je veux vraiment que je fasse une revue sur le site des accros. Ouais. Écoute, au pire, toi sur Brad Jones, lui, il fait des reviews de films pornographiques puis il passe. C'est vrai, il censure ça. Ah oui. Mais non, ça marche pas avec Marie. On fera pas ça. Aucune peine. Je vais envoyer ça à Retro. Lui va adorer ça. En termes de garçon prochainement. Et tout, il est pas sûr. Oh, on a une misère avec un micro à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de battre son micro. Attendez un peu, c'est moi. Je pense que c'est CE, moi. C'est CE, ouais. Ah, je pense que c'est quelqu'un. Méchant CE. Hey, comment faire? Non, c'est CE le rappeur. Ouais, le aussi. Rappeur. Autre chose, Marie? Oui, on a plein de choses. Voyons. Ah, il y a beaucoup de réactions en rapport aux frais de livraison de la console Ouya, là. Mais c'est vrai que c'est n'importe quoi. Ouais, 120$. C'est n'importe quoi. Jusqu'à 120$ pour ta console, alors que la console vaut 100$. Ouais, mais c'est pas une question de valeur de l'objet, c'est une question de distance. Mais même à ça, tu te dis. capable de trouver un moyen. Si tu n'étais pas supposé de payer les frais de transport à l'origine, ils ne devraient pas être payés. Exactement. Mais en plus, ils ont eu combien? Tu as dit quasiment 1 million pour ça? 1 500 000, 600 000, quelque chose de même. C'est pas, je sais qu'il y en a qui ont payé le, je sais qu'il y en a qui ont payé le gros prix à la fin là, mettons t'sais, oh, 1000 piastres c'est l'affaire, 10 000 piastres c'est l'affaire, il y en a qui vont jusque là puis ils ont des problèmes sérieux. Ben c'est comme Marie, la gang de Noob qui sont rendus à 1000% de leur financement. Hey bravo la gang, sérieux là, vous le méritez vraiment là. Pour leur film de Noob, c'est quelque chose là. Ils ont demandé au début, je pense que c'était en dollars canadiens, je pense que c'était comme 30 000 piastres. 35 000, je pense. 35 000, puis ils sont rendus comme à 300 000 dollars, là, proche de ça. Là. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Un film. Surplus de même. Avec un surplus de même, quand ils veulent 35 000, ils se ramassent. Ah, mais ils veulent faire des bonus, comme par exemple, ils vont sortir des tours, toutes les séries en DVD. Ils vont sortir les séries, plus tu vas voir le film à la fin. Une tour en carton, mettons, tu sais, puis ils veulent faire des encyclopédies. Ils veulent faire plein d'affaires sur un coup. Entre autres, ils veulent faire un voyage au Québec à un moment donné. C'est ce qu'ils ont dit, je pense, à un moment donné. Ils veulent venir au Comic-Con de Montréal, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, pour faire la promotion du film. Fait que c'est cool. Autre chose, Marie? On a de Polarize 8 qui dit Diablo 3, c'est pourri, et je peux pas confirmer, j'ai pas joué, mais je suis sûr que vous êtes d'accord. Sylvain peut le dire. J'ai pas compris que... Diablo 3, c'est de la merde? Non, je suis pas d'accord. Lui, Polarize dit que c'est pourri. Bah, moi, je l'aime bien, mais pas plus qu'il faut. J'ai pas vraiment trippé Diablo à l'origine. On a Serre de Merol 11 qui nous dit que lui, il achète ni une Xbox One, ni un PS4. Il s'achète un PC Chris. Bonne idée! Je m'enligne pour ça, c'est ça le pire. Moi, là, je lance. Si la Steambox vaut vraiment la peine, c'est ça que je m'en vais me chercher. Bah, moi, personnellement, la Steambox, c'est toi, et PC va être 40 fois moins cher et va être bien plus puissant. Ben, tu descends à Montréal pour venir me le faire? Achète les morceaux, moi, t'as le monté, tabarnak. Oh, Steambox. Ok, mon Chris. En passant à rétro, on te prend au mot, hein, t'es averti. Non, mais moi, c'est ça que je fais, Asti. Ça se peut. Parce que moi, la dernière fois que j'ai voulu jouer dans un ordinateur, je l'ai fait planter. À cette heure, il est rendu mort à côté de mon matou. Et ouais. On rit pas mal. Pas tout le monde qui a du talent. Hein. Yeah. Je suis bon pour. Je suis bon en droit, je suis pas bon pour le faire du montage de d'ordi. Alors, là-dessus, on va partir dans la discussion. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres discussions. Non, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui se dit. Donc, on va partir sur notre discussion. Cette semaine, on a décidé de jaser de jeux de téléphone, de jeux de tablette. Je sais qu'on l'a déjà fait auparavant. On a jasé de ce qu'on jouait dans, il y a peut-être 6 mois de ça. Puis, je voulais voir s'il y a eu une évolution et tu as eu d'autres jeux que les gens jouent ces derniers temps. Fait que je vais commencer avec SIE, vu que ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu la tronche. Ouais. Qu'est-ce que tu joues sur ton téléphone ou sur ta tablette? J'ai pas de tablette, premièrement. Téléphone, tu sais, j'ai eu mon Android il y a à peu près 2 ans de tout ça. Je me suis dit, oh, je vais mettre plein de jeux, mais mon écran est un peu trop petit. Fait que finalement, je joue à rien là-dessus, puis j'aime mieux transporter ma console portable et c'est à peu près ça. Je vais d'abord aller. T'as-tu des applications que tu utilises aussi? La STM. Très utile! C'est utile, c'est un site, surtout. Sylvain nous dirait que ce serait utile. Dans notre ville de merde, où... Où est-ce que le métro bug à tous les 2 jours? Qu'on n'a pas de mer. Mais sinon, comme non, je joue à rien sur mon téléphone. Les applications, gars, je peux vivre sans ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui m'a frappé à date dans tout ce que je loadais avant, à part l'application pour faire une sonnerie de cellulaire. Ça, j'aime ça. Oh! C'est intéressant. Ça. J'aimerais savoir. Ça, c'est cool. Parce que tu loads ta musique, tu mets ta musique, tu fais juste prendre le bout de la sonnerie que tu veux, puis il te la met. Ah, c'est nice. C'est intéressant. Ça, c'est cool. Alpha, toi, as-tu un téléphone intelligent ou une tablette? Non. Et non. Et Est-ce que c'est par un choix personnel que tu n'utilises pas ça ou Bah écoute, moi je joue des fois sur. J'ai un iPod Touch. Ça j'en ai un aussi. C'est le truc le plus entre guillemets high-tech que j'ai. Là. Non, écoute, moi je suis un rétro, j'ai un vieux cellulaire qui date de 2007. Il fonctionne encore numéro 1. Fait que sérieux, j'irais pas payer 80$ par mois pour un téléphone intelligent. Là. Regarde, moi je reste avec mes vieilles affaires, ils fonctionnent bien, ça me permet d'appeler. Puis regarde, si je veux jouer, ben j'ai mon iPod Touch. Ou sinon, écoute. Ça m'arrive encore de traîner mon Game Boy Color dans l'autobus, là. Fait que regarde. Ah ouais? Nice. Ben oui. Hein. Cool. Hey, good Game Boy Color. You're the man with the Game Boy Color. Yes. C'est vrai. T'as vraiment raison. Mais moi, pour faire marcher certains jeux, il faudrait que je m'achète un petit tournevis pour enlever les vis de mes cassettes et changer les batteries. Je voulais jouer à Pokémon, puis je suis pas capable. Oh. Ouais, c'est pathétique de ma part. Je sais. Sniff, sniff. Et... Marilyn, de ton côté, est-ce que tu joues à des jeux ou des applications sur ton téléphone? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis une fille. Est-ce que j'ai des applications sur mon téléphone? Peut-être pour un iPhone. Et Marie, elle a un iPhone. Ah, un point pour moi. J'ai un iPhone, puis il y a pas mal de trucs en rapport avec mes deux chaînes YouTube, d'ailleurs, qui sont sur mon iPhone, parce que c'est très, très pratique. Voulez-vous que je commence par les jeux ou voulez-vous que je commence par les applications? C'est vous autres qui décidez. Commence par les applications. Ouais, appli. OK. Vous allez peut-être pas... Je le mentionne tout le temps. Instagram, je l'utilise fréquemment. Pas juste pour Blog de Marie, mais aussi pour les accros. D'ailleurs, je poste des photos de tous les nouveaux pixel art que je fais là-dessus ces temps-ci. Sinon, ce que j'aime beaucoup, un petit truc bien niaiseux, mais flashlight. J'ai une flashlight dans mon iPhone. Pas vraiment. Très, très utile. Très utile. C'est encore drôle. Sinon, à part de ça, j'ai deux logiciels de montage photo très pratiques aussi, qui s'appellent PicStitch et PicFX. Sinon, j'ai WeHardIt. Je vais l'ouvrir parce que c'est pas très facile à comprendre. Là. C'est pour un peu comme Pinterest. Je sais pas si y a du monde qui connaît ça, Pinterest, parmi vous autres, la gang. Plus ou moins. Nope. C'est un logiciel d'inspiration de photos. Dans le fond, on propose des photos, des citations, puis tout ça, puis tu peux aller les aimer, les mettre dans tes favoris, puis ce genre de trucs-là. J'ai un exemple rapide. Ben, gars, ça en est quelques-unes. Là. J'ai essayé de les montrer à la caméra. C'est pas bien évident, là, mais bon. Sinon, à part de ça, ce que j'aime beaucoup, oui, la STM me fait partie de mon quotidien depuis. Depuis mon arrivée à Montréal, ben pas de mon arrivée à Montréal, depuis que j'ai un iPhone finalement, c'est très pratique. C'est très pratique dans une ville de Montréal qui est en décrépitude et exactement. On n'a pas de mer, comme dirait Retro. Sinon, ben YouTube, oui, j'ai mon application YouTube pour vous répondre quand vous me faites des commentaires sur vous les mes vidéos. Puis à part de ça, j'ai Facebook, Twitter, mes incontournables. Pis c'est pas mal ça, le reste des jeux. Côté jeu, qu'est-ce que t'as? Mes préférés, celui que je passe mon temps dessus, Tiny Tower. Je sais sûrement que vous le connaissez si vous avez un iPhone ou un Android. Ou si on est ami avec toi sur Facebook, c'est ça? Non, ça c'est juste sur mon iPhone, fait que t'es pas censé l'avoir reçu. D'abord, c'était quoi le jeu que t'envoies tout le temps? Candy, quelque chose, non? Ah, j'en ai 10 millions, là, mais que je suis pas à moitié, fait que ça se peut que t'en sois 30 000. Il y a mais... plein de trucs de jeu, il me semble, de toi. Là. C'est pas le truc de Candy bizarre? Ça se peut non? aussi, mais j'y suis tout à moitié, fait que ça se ignore-les. Ok, c'est bon. J'ai Fruit Ninja, que notre cher ami PL m'avait proposé, d'ailleurs, dans mes jeux. J'ai le jeu d'Alice in Wonderland, qui est assez intéressant, merci. J'adore le graphisme, il ressemble pas mal à mon jeu d'Alice in Wonderland DS que j'avais fait la revue au niveau du graphisme. C'est la même affaire du côté du jeu, gameplay? C'est pas la même affaire au niveau du gameplay. Le gameplay, c'est beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Attends, je vais vous montrer le graphisme, il est super beau, là, en passant, là. C'est beaucoup plus, je dirais, comme le film, relié au film, au niveau du graphisme. Mais c'est un bon vieux platformer en 2D, celui-là. Fait que tu te promènes pas, puis tu contrôles avec ton petit pouce et ton petit doigt. Tu peux juste aller de haut en bas, de haut en bas, puis de droite à gauche, là. Fait que c'est assez simple d'utilisation, mais c'est super intéressant. Je l'aime beaucoup, celui-là. Sinon. J'ai Plants vs. Zombies, bien sûr, sur mon iPhone. Très bon jeu. Et dans les jeux que je joue vraiment, c'est pas mal tout. Parce que j'en ai essayé plusieurs, mais j'ai utilisé tellement peu que j'ai supprimé au fur et à mesure. Je trouve ça tellement plate que je supprime au fur et à mesure. Fait que si jamais vous avez des suggestions de bons jeux que je peux devenir addict, là, ben, s'il vous plaît, donnez-moi-en, s'il vous plaît. Merci. Pierre-Luc, de ton côté, qu'est-ce que tu joues, bon? Bon, sûr. Mon ma ma très ma très ma, ma très ma, mon téléphone Galette, Samsung. Samsung Google Nexus. C'est le Google Nexus 4, je crois que t'as, hein? Non, Nexus c'est juste Nexus, il y a pas Ah, de y a juste un Galaxy. Nexus. Google, c'est celui que j'ai. Un peu comme Marie, mais un peu comme vous tous, écoutez, je peux pas passer de Facebook. Je ne peux pas me passer de STM. J'ai également, j'ai également mon accès directement à ma banque, l'application pour ma banque sur mon téléphone. Oui, moi aussi j'ai ça. J'ai le soundboard de Family Guy parce que je suis un méga fan de Family Guy. Non. Que voulez-vous? Naturellement, j'ai le Facebook, j'ai moi qui fais aussi plus affaire avec Yahoo Mail que n'importe quel de mes autres emails, même Gmail. J'ai l'application de Yahoo Mail, fait que quand je suis à la job et j'envoie un email, ben j'ai pas besoin de déranger mon collègue, j'ai juste à faire une course, puis ah, je peux checker mes emails et c'est la joie. Sinon, dans les jeux, ben moi c'est surtout Flow. Moi j'ai quelque chose comme j'ai quatre versions du jeu Flow. Toujours c'est Flow, c'est le jeu que tu dois connecter de point A à point B des lignes, pour faire des lignes de point A à point B. Cependant, la cache de ça, c'est que faut que tu remplisses tout ton quadrillé. Si tu remplis pas ton quadrillé, naturellement, tu passes pas au prochain niveau. C'est un jeu très relaxant. J'ai également Jaws Revenge, alias le requin version Mon ami Willy, qu'il faudrait que bien que je monte à Big Ben un jour. Peut-être que je fasse une vidéo de mon ami Jaws, Willy. Quoi, tu vas me sauter par-dessus moi, c'est ça que t'es en train de me dire, là? Non, tu te montrer le requin qui fait un saut d'une coupe de pied dans les airs pour pogner un avion, c'est assez hilarant en soi. Ok, c'est bon. Moi qui est un peu comme Retro, qui a des tendances pas rétro, mais testeur, qui est dans tendance des tendances un peu rétro, simpliste, whatever. J'aime beaucoup le jeu solitaire, fait que j'ai c'est ça, j'ai solitaire dans mon iPhone. Mon iPhone. Pardon, mon Nexus. Ah, mais Tester, lui, c'est un pro du démineur. Ah Ouais, oui. ah ouais! Tester! Je suis sûr que tu peux me battre au démineur. Je suis sûr que tu peux me battre au démineur, anyway. Moi, Je suis pas capable de. je suis sûr que démineur peut me battre. Ok, dans les derniers jeux, bon, ben écoute, bon, je me suis pris la version gratuite de Tetris. Cependant, par EA, fait que je me sens un petit peu comme. Comment tu trouves la Est-ce que version je peux vendre mon arme? Comment tu trouves la version de EA sur de Tetris sur téléphone? Tu trouves qu'elle est Actuellement, contraignante ou la gratuite est bien le fun, puis elle marche très bien. En tout cas, du moins, c'est celui que moi j'ai essayé. Étrangement, ça marche très bien, mais c'est pas faut que tu comprennes que c'est le Tetris simpliste. Tu fais des lignes, ça va de plus en plus vite, tu tournes tes pièces, puis t'as Ok, t'es pas contraint d'acheter des packs après tant de temps ou de faire les ben, parce que c'est microtransactions. genre le sixième jeu de Tetris, c'est pas le septième que j'ai en ma possession, là. Je veux dire, je manque pas de Tetris, mettons, tu sais. Ok. Non, ben comme dans l'application, pour le fun, mais parce que ben, musicien comme je suis, j'ai l'application de guitare, de batterie et de basse. Pour trouver des trucs. Sylvain, de ton côté, toi qui es un grand, grand professionnel de la tablette Samsung, Écoute, moi j'ai joué avec mes jeux avec cette manette pour Android. Tu peux-tu nous la présenter un petit peu? Alors, c'est la manette Android Bluetooth de Nyko. Qui est comme une manette de Xbox, là. Finalement, quand tu me regardes, très pratique. Et avec ça, ben, je joue à des jeux comme des jeux qui sont très durs à jouer sur iPhone. Genre un certain jeu que Big Ben a déjà dit qu'il n'était pas jouable. Lequel? On parle ici de Sonic CD. Oh. Mais c'est pas jouable sur un ordinateur. Mais c'est jouable avec un pad. Je l'ai dit, avec une manette, ça se joue bien. Je sais. C'est pour ça qu'il faut que je m'achète une manette. Puis, ben, j'ai d'autres jeux comme. J'ai déjà fait un review de Pixel Love Rush, qui est très amusant. Il y a un autre. Tu as déjà fait une critique sur, en passant, qui est disponible sur la cour des jeux. Ouais. Puis, un autre jeu que j'aime bien, qui est un platformer, où tu contrôles des bonhommes faits de papier et des cartons. C'est pas Paper Mario, là, hein? Mais bon. Oh, tu contrôles un personnage, il est fait en forme avec des petites boîtes. Ok. Oui, ça a l'air comme ça a l'air de conception un petit peu 3D, mais avec du Mario, Paper Mario, on dirait que c'est. Ça s'appelle Paper Monsters, puis c'est un platformer à la Mario, là. C'est très le fun. Surtout avec des manettes, là. Moi, j'ai la plug pour plugger sur ma TV en plus, fait que je peux jouer comme une console, j'ai pas besoin de gars. Tout à fait, puis il y a bien des gens qui disent achetez-vous une tablette avec une bonne chipset dedans. Comme une Tegra 3, vous allez avoir la même affaire qu'une Wii. Ouais. Puis bon, ça, c'était les jeux que je joue régulièrement sur ma tablette. Pour ce qui est des applications, ben moi, je lis beaucoup de comic books. Donc, j'ai besoin d'une application qui s'appelle X-Comics, qui est plugée avec mon Google Wallet. C'est là qui vient de planter. Ah ah! Oignon! Ça plante tout le temps la première fois que je l'ouvre, je sais pas pourquoi, là. Ça s'appelle Comixologie, puis là-dessus, ben, j'achète toutes mes comics de Transformers, Mega Man, Et toutes les issues de Hulk sont à 99 cents. C'est très dangereux de dépenser beaucoup, parce que, surtout quand t'es suivi pas mois par mois depuis le début, mais quand tu commences, ben, tu finis un premier numéro, puis là, ben, à la fin, ça te dit, tu veux t'acheter le deuxième? Là, t'achètes le deuxième. C'est pas ça, tu veux acheter le troisième, vas-y, t'as qu'à faire. Continue de faire. Là, tu continues, puis là, tu te rends compte que ton bill est monté à 50$. Ah, oh! Est-ce que t'as de la pub là-dessus, Ben? Sur la pub dans tes pages? Non, t'as pas de pub. Non. Ok, parce que ça aurait pu faire comme les vieux comic books dans le temps où... Non, il n'y a pas de pub. T'avais 30 pages de comics pour 10 pages de pub, là? Puis un autre jeu que je joue, ben c'est la version tablette de Final Fantasy 3 qui est sortie sur DS. Comment tu trouves la version tablette? Ben je trouve qu'il est visuellement plus intéressant que sa DS normale. Intéressant. J'ai vu que le 4 allait bientôt sortir sur tablette aussi. Il est sorti. Sérieux? C'est le 4 qui est sorti sur DS, là, c'est la même affaire. Intéressant. Très très intéressant. Et à part ça, ben, j'utilise une application qui s'appelle Strava. Strava, c'est pour ceux qui veulent faire un petit peu d'exercice. Ça tient avec ton GPS, tes trajets que tu fais soit à marche, à course ou en bicycle. Là, tu uploades ça sur un site, puis là, ben, ça mesure le temps que ça t'a pris par kilomètre, la distance que tu as fait, etc. Puis si tu as refait les mêmes tracés, ben, si tu as battu tes records, ben, ça te donne des achievements et des choses comme ça. Cool. Oh. Très intéressant, surtout si tu toujours veux te mettre en forme. Ouais, mais c'est ça, t'as toujours envie de battre ton record de marche. Mettons, moi, je prends les marches régulièrement maintenant. Et à chaque fois, ben, je suis certains trajets. Et j'essaie de battre mon record de temps par kilomètre, etc. Ben, merci beaucoup. T'as-tu d'autres choses à nous parler? Oui, pour ceux qui veulent apprendre le japonais, ce que j'ai commencé à faire, c'est une application qui s'appelle Jia Sensei. Puis là-dessus, ben, t'as tous les caractères japonais avec là, ce qu'ils veulent dire, ben, pas ce qu'ils veulent dire, mais la prononciation, puis ça t'aide aussi à l'écrire, pis tout. Ah, super intéressant, ça. De mon côté, je vais faire ça rapidement parce que moi non plus, j'ai pas beaucoup d'applications. Je vais le faire aussi sur mon iPod Touch parce que je suis pas mal entre les deux. Je joue beaucoup avec mon Samsung, téléphone Samsung, Galaxy Ace, un vieux téléphone, mais ça fait le job. Et qu'est-ce que j'utilise le plus souvent? Ben, j'ai un jeu que avec mon application STM. À Montréal, on n'a pas le choix. Il y a quel que toi, Sylvain? Ben, j'ai le même que toi. Ah oui, t'as un Galaxy Ace 1? Ouais. Ah ben. Fait que moi, le seul jeu que j'ai là-dessus, à part le STM, puis Twitter, Facebook, c'est un petit jeu qui s'appelle Unblock Me, qui est gratuit. La version gratuite est disponible sur le Google Play. Puis c'est un petit jeu bien, bien facile. C'est juste un petit jeu de casse-tête, finalement. Il faut que vous vous arrangez pour débloquer le petit bloc rouge et l'envoyer dans le trou. Oui. Et pour ça, vous devez le faire passer à travers un chemin que vous devez faire déplacer des pièces. Je te dirais que dans le métro, là, j'ai pas le temps d'ouvrir ma DS, je vous dirais, dans le métro, parce que mon trajet dure à peu près 10 minutes. Et en 10 minutes, le temps de l'ouvrir, le temps de le faire fonctionner, le temps de jouer un petit peu, le refermer parce qu'il faut que j'arrive à Berry-UQAM, ça tombe mal. Fait que c'est pour ça que j'aime bien mieux utiliser ça. C'est directement dans mon téléphone. Je joue, je défais mes affaires d'attitude. C'est pas plus compliqué. C'est un petit jeu qui est gratuit. Sinon, il y a une version payante qui donne beaucoup, beaucoup plus de casse-tête. Mais pour commencer à chercher la petite version gratuite, ça vaut vraiment la peine. Sinon, sur mon iPod Touch, c'est là que j'ai un petit peu plus de stock. Là-dessus, j'utilise comme jeu, j'ai le fameux Shining Force de Sega. Sérieusement, c'est un des meilleurs ports rétro que vous allez pouvoir jouer sur cette petite console-là. Le fait, c'est que... Tu as bien dit Shining Force? Shining Force. Si vous aimez les RPG, ça coûte pas cher, ça coûte 3$ sur le iTunes Store. Puis vous allez avoir du plaisir finalement parce que c'est pas comme un Sonic que j'ai acheté puis que vous allez avoir de la misère à jouer avec. Vu que le touchpad vous sert juste à déplacer votre unité puis que ça peut prendre votre temps. C'est génial comme jeu. Vous pouvez déplacer votre petite unité rapidement. Puis ça fait la job. Angry Bird, c'est probablement un must à avoir quand vous êtes dans le métro Pourquoi de Montréal. Je ne l'ai pas. Non. Surtout qu'il donne gratis à Star. Il y a bien des jeux. Je pense que c'est la version originale qui est rendue gratuite, je pense. Sinon, un petit jeu que j'ai découvert récemment. Je vous en ai déjà parlé. Puis, comme là, vous pouvez entendre la musique. Game Dev Story. Sérieusement, là. Mon coup de cœur cette année en ce moment dans les jeux de gestion, je trouve ça vraiment cool. Alors, qu'est-ce que vous faites finalement dans ce jeu-là? Ben, vous avez un bureau de jeux vidéo, une compagnie de jeux vidéo, puis vous devez créer des jeux. Et vous devez vous assurer que vos jeux vendent, donc vous devez vous assurer que vous produisez pas toujours le même jeu, vous devez vous assurer que votre clientèle est contente, puis que vous obtenez des bonnes notes. C'est vraiment cool comme petit jeu, c'est 3$, puis Marie peut vous le dire, j'ai passé 8 heures à jouer là-dessus la première fois quand je l'ai acheté. Non-stop, je pense que c'était couché à 2h du matin parce que je jouais à ça, là. Oui, ouais. En plus. Parce que vraiment, écoutez, c'est parce que le jeu se passe sur 20 ans, fait que à la fin, je voulais voir mon score comparé à bien du monde, qu'est-ce que ça donnait. Et je trouvais ça cool. J'espère qu'ils vont faire une suite. Ça serait vraiment génial. Puis que le jeu soit un petit peu plus complexe. La seule affaire que je trouve ça plate, c'est qu'à un moment donné, je me ramasse, j'ai $1 milliard dans mon stock, puis je sais même plus quoi faire. C'est ce que je trouve plate. J'ai construit la meilleure console. Mes jeux ont obtenu des 9 sur 10, des 10 sur 10. Puis je sais plus quoi faire. Sinon, dernière application, je vous conseille fortement, si vous allez chiller, finalement, je vous le dis, le mot chiller, si vous aimez ça, relaxer chez vous en écoutant de la musique, c'est une application qui s'appelle Sunza. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. Ouais, je connais. Sunza, c'est des playlists déjà faites de musique, et vous devez vous dire, lorsque vous rentrez dans l'application, il vous demande comment vous filez. Filez-vous pour faire de la cuisine, filez-vous pour faire de la bouffe, jouer à des jeux vidéo. Puis, après vous avoir choisi ça, ben vous allez avoir, ils vont vous proposer une série de playlists. Puis vous laissez partir, puis vous pouvez écouter la musique pendant des heures, les playlists sont très longues. Puis ça vaut vraiment la peine. C'est gratuit en plus. Ils ont une petite pub qui laisse en bas, mais sinon, ça vaut véritablement la peine. Si vous voulez avoir une ambiance chez vous, là, Sunza, c'est vraiment nice. Marie, côté YouTube, est-ce que le monde nous propose des applications ou des jeux? La gang, ça pullule de suggestions. Donc, je vais aller rapidement parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. On a ici Angry Birds, Icy Tower, et Serve 2011 qui en donne vraiment beaucoup. Fruit Ninja, Dumble Jump, Sonic 1 pour iPhone. Surprenant parce que moi j'ai le 2 puis je suis pas capable. Ça en 2011 là, j'ai le 2 Sonic 2 là puis je suis pas capable de jouer avec ça, j'ai trop de misère. Sinon, on a Zumba qui est un jeu de diamants. Je connais pas. Sinon, par de ça. Karag Exxon qui dit que sur un iPod Touch présentement, il y a Cut the Rope Experiment, Diner Dash Deluxe, Springfield et Game Dev Story comme Monsieur Big Ben. Cut the Rope, c'est tout le temps celui qui est dans une démo d'un tablette. Genre, tu vas dans un magasin, il y a une tablette et te le mettre, puis c'est tout le temps le jeu en démo. Mais il est vraiment cool ce jeu-là. Mais Springfield, sérieusement, des Simpsons, c'est un jeu qui est vraiment fun. La seule affaire que j'aime pas, c'est qu'il te propose toujours de la pub. Il t'envoie toujours « Hey, tu veux bâtir ta maison plus rapidement? Achète des crédits! Ouais. » C'est la seule affaire qui m'agace. Ouais. Beaucoup de jeux ont cette mentalité-là. Fonce ce piège-là. Ouais, c'est ça que je trouve ça plat. Autre chose, Marie? Il y a Temple Jump 1 et 2. Tetris, on en a parlé. Doors sur Android seulement, par contre. Doors? Oui, ouais. Doors. C'est un jeu d'énigmes. Intéressant. C'est des creepy, j'ai beaucoup joué à ça. Puis c'est des puzzles, vraiment des casse-têtes très diversifiées. Faut que t'atteins le dernier étage pour pouvoir te sortir du bord du pétrin. Des fois, c'est très tordu. Des fois, les réponses, c'est peut être évident si tu tournes ton téléphone de horizontal à vertical. Ok. Tu as une note pour la réponse. Ok. Je vois... vas-y, vas-y. On en a plein, c'est débile, là. La gang, vous pullulez d'idées. Puis d'ailleurs, grâce à vous, j'ai téléchargé deux applications nouvelles. Yeah. Sinon, Game Dev Tycoon sur PC. Mais c'est sur PC. Il y a quelqu'un qui dit « Moi aussi, j'aime Block Me! » Puis avec plein de points d'exclamation. Serre 2011. Et Serre dit aussi que Zumba n'est pas un jeu de diamant. Je sais pas c'est quoi ton jeu, par exemple. Zumba, c'est le truc de danse, là. Ouais, c'est ça que je pense quand je parle de Zumba. On va danser avec le téléphone. C'est la nouvelle méthode, là. Ouais, oui, ça permet de perdre une couple de livres sans problème. Sylvain va l'utiliser prochainement. Et il fait un signe de tête que non. Il y a aussi Coin Dozer, D-O-Z-E-R, qui est très addictif selon The Polarize 8. Effectivement. Bon, ben, génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'avoir laissé vos commentaires pour vos jeux préférés. C'est qu'est-ce qui se passe de bon? Là, tu as sorti ta vidéo. Qu'est-ce qui se passe de bon prochainement, sinon? Vidéo prochainement, peut-être avec toi. Ah, mais il faudrait travailler ça, là. On va s'arranger. Il faut que je prépare mes consommations de bière pour toi, parce que lorsque tu passes à la maison, il est un petit buveux. Il m'en reste jamais. Ouais, là, les bons moments. Marie-Lune, de ton côté, qu'est-ce qui se passe de bon? Qu'est-ce que tu prépares prochainement? Là, je suis en préparation, surtout en lecture, pour un prochain livre versus film. C'est le projet que j'ai parlé la dernière fois des 7 Harry Potter et les 8 films. Donc, ça va être 7 vidéos. Donc, ça s'en vient très prochainement. Du moins pour le premier. Parce que c'est plus facile à lire. Et sinon, à part de ça, je travaille sur une critique qui s'en viendra d'ici quelques semaines, si tout va bien. Pierre-Luc, de ton côté, est-ce que tu as des nouvelles choses qui s'en viennent prochainement? Ben, j'ai mis sur 3DF qui devrait sortir à la fin de semaine ou dans le courant de la semaine prochaine. Comme une critique, ma 51e critique. Wouhou! Alors, ça, j'en ai déjà partagé parce que Myst, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu avec une reconnaissance magistrale dans le domaine du PC. Et qu'est-ce que ça donne sur 3DF? Je vais vous en parler. Sylvain, de ton côté, qu'est-ce qui se passe de bon? Ta vidéo, elle sort quand? Le 15. Et on peut-tu avoir des... une idée, un indice? Ben, on va parler de StarCraft 64. OK. C'est bon. Je pense que c'est correct. On va recommencer à parler de Calendars. Oh. Arrête, on te donne le goût d'en acheter, là. Puis, je vais vous donner un preview pour celle-là de juillet aussi. Oh! Là, je vais avoir la semaine prochaine ma reproduction de Dragon Quest 1 et 2 pour Super Nintendo en anglais. Qui est dans une boîte avec un shrinkwrap. Intéressant. Il paraît que c'est des reproductions de très bonne qualité. Donc, je vais faire mon premier unboxing à vie. Oh! Très intéressant. Alpha, de ton côté, écoute, ton site s'en vient prochainement. Oui, excusez, j'ai pas parlé beaucoup à soir, parce que justement, j'étais en train de fignoler les derniers petits détails. Je mets ça en ligne immédiatement après qu'on termine le podcast. Donc, tous les accros qui écoutent, si vous êtes intéressés ce soir, vous pouvez aller faire un tour et vous faire un compte sur le forum avant d'aller vous coucher. Oui, c'est ça. Ben, Marilyn va être sur le forum, c'est sûr et certain. Cool, cool. Vraiment génial. On Et de mon côté, ma vidéo est prête. J'attends soit jeudi ou vendredi pour le poster. Et ça va être pour les fans des accros de l'animation. Ça va être votre vidéo que je prépare depuis un petit bout. Et sinon, par ça, il y a d'autres jeux qui s'en viennent prochainement. Inquiétez-vous pas. J'approche bientôt de ma 100e vidéo. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de spécial pour 100 vidéos? C'est quand même un 100e vidéo, tu sais, fait que on s'attend que. On va peut-être vouloir faire quelque chose de gros pour la 100e. Je regarde là-dessus, je vous reviens là-dessus. On se sent belle, les boys. Ouais, on va commencer avec le Comic Con, on verra après pour le Centre Bell. Ben là. À moins que tu nous fournis, regarde, on ne dérange pas Tester, là. Faut voir Big. Ouais, mon nom le dit, Big Ben. C'est ça. C'est comment qu'on peut te rejoindre sur les internets? Ben, c'est bien facile. Sur Facebook, c'est ReviewerCA, ma chaîne Classic Game Reviews sur YouTube, et ReviewerCA sur Twitter. Très facile. Pierre-Luc, comment on peut te rejoindre sur les internets? Sur antithèse@yahoo.ca, antithèse@gmail.com, sur Twitter, sur antithèse16, même si je vois de plus souvent qu'avant. Sinon, j'ai sur YouTube tapé sur AntithèseFeg, c'est ça qui a ce nickname. De même que Antithèse tout court sur Tag Télé. Demeure, n'en est pas moins que la meilleure façon de me rejoindre est sur le forum desaccordesjeux.com. Rétro Gamer, comment on peut te rejoindre sur les internets? Pour l'instant, toujours par l'entremise de la page Facebook de RetroGamerPQ, à travers mon channel YouTube, et aussi, ben, de toute évidence, sur le site desaccordesjeux.com. Marie-Lune, comment on peut te rejoindre sur les internets? Par courriel sur blog de Marie-Lune, commercial@gmail.com. On peut me rejoindre sur Twitter par Terrien Marie-Ève. On peut me rejoindre sur ma page officielle de sur Facebook, on peut me rejoindre sur la page des accros des jeux sur Facebook et on peut me rejoindre bien sûr sur ma chaîne YouTube et sur le forum des accros des jeux, bien sûr. Tester Alpha, maintenant que tu as ton site internet, est-ce qu'il y a d'autres moyens également de te rejoindre? Bien sûr, vous tapez Tester Alpha soit sur Facebook, soit dans Google, soit dans YouTube. Je suis aussi sur Twitter et bien sûr, vous pourrez toujours me contacter via le site des accros des jeux. Génial. De mon côté, si vous jamais voulez me rejoindre, il y a plusieurs façons. D'abord, si vous voulez me rejoindre sur le site officiel desaccrosdesjeux.com, dans le forum, je suis là tous les jours. Je fais du ménage tous les jours. Sinon, à part ça, je suis sur Twitter. Je m'occupe du compte officiel des accros des jeux à commercialaccrosdesjeux.com. Accros des jeux, désolé, il n'y a pas de .com. Sur Facebook, je m'occupe également du groupe des accros des jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Je n'accepte pas les invitations personnelles et je vise personnellement ce soir à dire à Madame Florence Henry qui me dit « Bonjour, moi c'est Florence Henry de Toulouse. Je veux juste faire ample connaissance avec vous et cela ne vous gêne en rien. Merci de bien vouloir me répondre et bonne journée à vous. Désolé, je ne te connais pas, je te rajoute pas. » Ta ta ta. Elle veut que tu la ramènes ici, là. Ah, elle vient de Toulouse en plus. Hey, écoute. Écoute, Toulou, c'est lourd parce que le joueur du grenier crash. Fait que. Pensez, il a craché chez lui. Donne-y. Mettons que si tu lui offres du sexe, il va être bien content. Mais il avait! Tu vas taper dessus par les fans du genre du grenier, mon homme. Non, je suis méchant, désolé. Désolé, mais il m'écoute pas, de toute façon. Il devrait! Il devrait! Il écoute ça! Il devrait! Hey, il a participé à une de nos vidéos! Il devrait nous écouter! Probablement. Mais bon, on n'a rien contre lui, c'est une petite joke. Oui, ça arrive une fois de temps en temps, écoute. De toute façon, il est rendu à 2 millions de vues, là. Là, sur chaque vidéo, là. Je pense qu'elle ne l'atteint pas. Fait que. Hein? Vraiment pas. Non, c'est ça. Fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce podcast-ci. Soyez présents lundi prochain. On va vous préparer un avant E3. Probablement, si les conférences de Sony et Microsoft ont sorti, probablement qu'on va vous en jaser également. Sinon, dans 2 semaines, on a le podcast des accords d'animation. Petite modification, si jamais vous voulez nous suivre, on va parler du film Teenage Mutant Ninja Turtle Forever, qui est disponible sur YouTube, si jamais vous voulez le suivre. Vous pouvez l'écouter au complet sur YouTube, il est présent. Et le 24 juin, il n'y aura pas de podcast parce que c'est la fête du Québec. Ouais. On est tout en congé pour cette fête-là. Effectivement. Oh, ouais. Eh oui, pauvre toi. Oh, moi, je serai pas présentable. Espèce d'alcoolo! C'est comme quand je viens chez vous, mais en pire. Là. Fait que, ça sera pas présentable. OK. Fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Marie-Lune. Tester Alpha. Et c'était. Pour le podcast des accros des jeux. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bye!